Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. Charles Hernu était-il un espion de l'Est ? Il y a une quinzaine d'années, deux journalistes de l'Express ont catégoriquement, et un peu imprudemment, répondu oui. Sur la foi d'un dossier ficelé par les services secrets roumains, et sans doute avec la complaisance de la DST française, ces deux confrères ont donc affirmé que l'ancien ministre de la Défense de François Mitterrand, mort en 1990, était un agent communiste. L'affaire a bien sûr fait scandale, les fils Hernu ont porté plainte pour diffamation, et un juge d'instruction a mené l'enquête. Si la famille Hernu a fini tardivement par être débouté, il n'en reste pas moins que cette affaire ressort de la manipulation et que l'on y croise d'étranges personnages. À son tour, M. X essaie d'y voir clair. Qui sont ces hommes, ces comédiens, qui veulent la peau de mon citoyen, fièrement acquis par notre histoire, par nos défaites et nos victoires. J'ai honte. Pour faire valser le cœur de la reine, il faut bien sûr charmer la reine, mais tous jureront de leurs mensonges, de leurs promesses, de leurs jurons. Comme ils sont beaux ces prétendants, quand ils s'engagent si sobrement, dans leurs costumes fraîchement taillés, quel simulacre cette vérité. J'ai honte. Le geste souverain, la main de fer, mais au fond d'eux ne savent que faire, de ces gens-là qui désespèrent, qui placent leurs rêves six pieds sous terre. Quant aux affaires, je vous laisse seul juge. Il y a des peines qu'il faut qu'on purge. À la santé de la République, il y a ces hommes qui se font du fric. J'ai honte. Puis on efface et on recommence. Les mêmes arnaques, les manigances, les mêmes trafics qu'on influence. Quel abandon, ma douce France. J'ai pas d'amour pour ces gens-là. Dites-leur à tous que j'ai dit cela, à ceux qui jurent de marcher droit dans la pénombre de leur foi. Quelle honte. Il me faut d'abord dire que Charles Hernu a longtemps été une cible pour quelques officines louches. Enfin, nous verrons cela dans le détail. Et ça s'explique aisément. Il y avait d'abord le personnage, chaleureux, bavard, expansif, aimant la bonne vie. Un batteur de bonne fortune aussi. Hein. Oui, enfin, je vois que vous l'avez bien connu. En outre, Hernu a souvent tiré le diable par la queue. Ouais, donc il était susceptible là, d'être approché par un service secret. Oui, car c'est le point essentiel. Ce franc-maçon était au cœur de la vie politique française. C'était un proche de Pierre Mendès-France ou de François Mitterrand. Et il connaissait tout le monde. À gauche. Essentiellement. Mais grâce à ses relations franc-maçonnes, il avait aussi des contacts avec des gens de droite. C'était donc une source d'information incomparable. Incontestablement. Mmh. Et il s'est trouvé aux premières loges à des moments décisifs. Ami politique de Mendès-France, alors que celui-ci négocie la paix en Indochine, puis ministre de la Défense en 1981, à une période cruciale de la guerre froide, quand a lieu le débat sur la présence des missiles américains en Europe. Enfin, et ça aussi, ça pouvait intéresser un service secret, il y avait une zone d'ombre chez lui. Une zone d'ombre, quoi ? Son attitude sous l'occupation. Hernu a été un jeune fonctionnaire du gouvernement de Vichy. Ça lui a même valu d'être brièvement emprisonné à la Libération. Et vous savez que, souvent, ces péchés de jeunesse ont été exploités par les services de l'Est. Chantage ? Bien sûr, c'est assez classique. Alors, au fond, quand Hernu a été accusé d'être un espion de l'Est, vous n'avez pas été étonné ? Je n'ai rien dit de tel. J'ai simplement dit qu'il avait le profil d'un homme politique qui aurait pu être une cible. Mais quand je me suis penché sur ce dossier, j'ai acquis assez vite la conviction que l'affaire sentait un peu le faisandé. Une machination ? Oui. Alors, voyons d'abord comment le scandale éclate. En octobre 1996, l'Express annonce, donc en couverture, que Charles Hernu, décédé depuis 6 ans, était un agent de l'Est. Une accusation extrêmement grave pour un homme qui a été pendant 4 ans en charge de la défense de la France. Mmh. Et sur quoi alors les journalistes de l'Express fondent leur accusation ? Ils se réfèrent à un document roumain de plusieurs dizaines de pages qui émane directement des services secrets de Bucarest. Alors, voyons ça en détail. Selon une note du KGB de 1963, Hernu, alias André, aurait été recruté en mars 1953 par un agent bulgare, Vinogradov, de son vrai nom, Raïko Nikolov. Mmh. Le service d'espionnage bulgare était à cette époque une succursale du KGB. Hein. C'est juste, il est resté jusqu'à la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'Empire soviétique. Et en 1953, alors, quel était l'intérêt éventuel du recrutement de Charles Hernu? Le jeune Hernu, qui sera élu député radical en 1956, pouvait être considéré comme un jeune loup de la gauche. C'était déjà un dirigeant du club des Jacobins, qui regroupait des représentants de la gauche moderne promis à un bel avenir. Et surtout, son mentor s'appelait Pierre Mendès-France. Ouais, PMF, comme on le nommait, ce qui sera appelé à la présidence du Conseil en 1954. Oui, juste pour 7 petits mois, mais des mois qui compteront au moins double dans l'histoire de la 4e République. Et dans l'hypothèse où ce recrutement aurait vraiment eu lieu, que pouvait apporter Hernu aux soviétiques ? Oh, de simples informations sur tel ou tel, des renseignements sans grande importance et qu'on pouvait trouver dans la presse ou même le Vosou. Et sans vouloir me faire l'avocat du diable, il faut bien reconnaître que ce genre de données biographiques peut se recueillir aisément. Par exemple, à l'occasion d'une conversation banale, au cours d'une réception diplomatique ou d'un déjeuner. Pour vous, ça n'est pas de l'espionnage. Non, une imprudence, peut-être, mais pas plus. Et s'il y avait rétribution ? Ça, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'à l'époque, Hernu était plutôt fauché. Mais même s'il a touché ici ou là un billet, n'était pas une activité d'espion. Enfin, je poursuis. Car il va bientôt être question d'argent. Toujours selon cette note du KGB ? Oui, en 1956, Hernu est donc élu député au Palais Bourbon. Sous l'étiquette radicale. En effet. Mmh. Il aurait alors pris ses distances avec son agent traitant. Comme s'il avait pris conscience des risques qu'il prenait en fréquentant un représentant d'une puissance de l'Est ? On peut le penser. Alors, toujours selon cette même note attribuée au KGB, Hernu aurait espacé ses rendez-vous. Conclusion de l'officier traitant, il ne voulait pas devenir agent secret. Pourtant, André, puisque tel aurait été son nom de code, aurait été largement rétribué à plusieurs reprises. C'est parfaitement contradictoire. Je suis d'accord. Alors pourquoi continuer à donner de l'argent à un soi-disant espion qui prend ses distances et refuse même de poursuivre sa collaboration ? Pourquoi une telle générosité ? C'est absurde. Par ailleurs, dans le document, on ne trouve aucune indication sur les services qu'aurait rendus André au Bloc de l'Est. On relève tout au plus qu'il aurait transmis un document de l'OTAN, sans plus ample détail. Et pourquoi l'OTAN, à l'époque, Hernu n'avait pas de contact particulier avec l'organisation de l'Alliance Atlantique ? À ma connaissance, non. Alors continuons. En juin 1957, les services soviétiques auraient pris directement en charge le traitement d'André. À la place des Bulgares, donc. Mais d'après ce que vous m'avez dit, là, ça ne devrait pas changer grand-chose. Évidemment. Selon le document roumain, Hernu est toujours aussi largement rétribué. En liquide, bien sûr. Et là encore, c'est étonnant, quand on connaît la pingrerie légendaire des services soviétiques. S'ils sont aussi généreux, il faut qu'on leur apporte des renseignements de premier ordre. Naturellement. Mais le dossier roumain n'apporte aucune information sur le sujet. En 1959, Hernu est battu aux élections législatives. Sa contribution aurait alors constitué un renseignement sur la guerre d'Algérie, les activités anti-OAS. Toutefois, André aurait alors coupé les ponts. Menacé par l'OAS, je crois même que son appartement a été plastiqué, il fait alors l'objet d'une protection policière. Et par conséquent, il ne peut plus avoir de contact avec son agent traitant soviétique. C'est logique. Protection veut aussi dire surveillance. Ensuite, le KGB aurait passé la main et confié leur agent au service roumain, alors dirigé par Ionescu Gheorghe. Mmh. On lui attribue un nouveau pseudonyme, Dinu ou Dinu. Mmh. La guerre d'Algérie est maintenant terminée, alors que fait Charles Hernu? Il est alors employé au service de publication du Centre National du Commerce Extérieur. Mmh. Quand j'ai rencontré, moi, dans les années 70, il s'occupait aussi d'un bulletin destiné aux élus locaux. Et détail intéressant, il s'était déjà spécialisé dans les questions de défense dont il deviendra un expert au sein du Parti Socialiste. C'est exact. Mmh. Auparavant, comme son grand homme, Pierre Mendès-France, il est passé par le petit PSU. Ce qui est certain, c'est que dans les années précédant l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, Hernu fréquente le Gotha de la gauche française. Alors, je repose la question, l'accord est-il pu fournir au service roumain? Franchement, pas grand-chose. Et là encore, on peut s'étonner. Par exemple, quand selon le document roumain, il aurait fait état des querelles au PSU, des querelles justifiées par le fait que Michel Rocard, selon ses camarades, aurait été financé par les Yougoslaves, tandis que son rival, Jean Popren, l'aurait été par les Albanais. Tout ça ne me paraît pas très sérieux. Et vous avez raison. En 1981, vous le savez, Hernu devient ministre de la Défense du premier gouvernement de François Mitterrand. S'il avait vraiment été un agent de l'Est, c'était un coup formidable pour ses traitants. Et la récompense d'un long travail d'approche, oui. Alors, je reviens au document roumain. Son nouvel officier traitant essaie de le contacter depuis Genève. Comment ? Au téléphone, à son domicile. C'est pas très prudent, non ? Parce que pour des raisons de sécurité, le téléphone d'un ministre peut être mis sur écoute. C'est évident. En 1982, ce correspondant aurait laissé un message à André. André, alors, et pas Dinu, son autre code roumain ? Oui, encore une bizarrerie. En tout cas, ce personnage aurait fait une allusion à Vinogradov. Et ça, c'est le premier officier traitant. Mais ça ressemble à une manœuvre de chantage, non? Mais Hernu n'aurait pas donné suite. Et les Roumains auraient abandonné. Alors qu'ils pouvaient obtenir de leur ancien agent des informations de toute première importance. Et 1982, c'est aussi l'année où s'est déroulée la mystérieuse affaire Tanaz, dont je vous ai parlé autrefois. Oui, c'est cet écrivain dissident roumain qui, après avoir écrit un article très violent contre Ceausescu dans la presse française, a étrangement disparu. Bon, en fait, on l'apprendra beaucoup plus tard. Virgil Tanaz a été mis au vert par la DST qui craignait pour sa vie. L'agent roumain qui aurait téléphoné depuis Genève aurait pu demander des informations à Hernu au sujet de cette affaire où la police secrète, la Securitate, a été impliquée. Mais ça ne concernait pas Hernu, mais son collègue de l'intérieur, Gaston Defer. Bon, peu importe, car je suis certain qu'on se trouve devant un tissu de mensonges. Dans son dernier ouvrage, « Les valets de la guerre froide, comment la République a recyclé les collabos », paru chez François Bourin, le journaliste Frédéric Charpier se penche longuement sur l'affaire Hernu, appelons-la ainsi. Il cite une note extraite du fameux document roumain, note qui aurait été écrite par l'un des agents traitants de l'ancien ministre. Extrait. De la collaboration avec André, on retient les impressions suivantes. André est un homme très vaniteux. Il a un caractère instable, capricieux et capable d'actions précipitées quand il est touché dans son orgueil ou dans sa vie privée. André est relativement constant dans sa sympathie vis-à-vis de l'URSS et des démocraties populaires. André a besoin d'argent et a reçu avec plaisir notre récompense périodique variant entre 1000 et 1500 nouveaux francs. En 1958, André a reçu une aide matérielle d'une somme de 30 000 nouveaux francs pour la campagne électorale en vue des élections au Parlement français et de sa candidature comme député de la Seine. Il a déclaré qu'il voulait avoir la liberté d'apprécier et le droit de décider ce qu'il nous donnait. En fait, il ne veut pas être un agent, mais il reste notre ami en gardant sa liberté d'action. J'évoque une dernière fois le contenu de ce fameux document roumain qui ne fera surface qu'en 1996 à la une de l'Express. Bien évidemment, après la démission de Charles Hernu à la suite du cafouillage de l'affaire du Rainbow Warrior, le prétendu espion de l'Est n'aurait plus été utile. Oui, il a d'ailleurs cessé, jusqu'à sa mort en 1990, d'exercer toute activité politique autre que local. Donc, Dinou aurait été radié de la liste des agents des services roumains. Alors, avant de voir pourquoi et comment ce dossier roumain est brusquement sorti dans la presse en 1996, je vous propose de revenir en arrière. Car depuis longtemps déjà, Charles Hernu, je vous l'ai dit au début de cet entretien, intéressait certains cercles qui entendaient utiliser ses informations et ses relations. Bref, se servir de lui. Si vous voulez. Ouais. Et qui, alors? Une véritable centrale de renseignement animée par un homme dont je vous ai déjà parlé, Georges Albertini. Ouais, l'ancien collabo. Et éminent dirigeant du RNP, le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat, oui. Un parti ouvertement fasciste dont il était le second personnage. Normalien, socialiste, avant la guerre. Albertini a versé dans la collaboration la plus outrancière et a signé d'ignobles textes antisémites. Il a par exemple regretté que la France ne soit pas assez antisémite. Alors qu'on rafle les Juifs. Hein. Et pour lui, le sang ne coulait pas assez pendant cette période de l'occupation. Il a été arrêté à la libération. Hein. Ouais, mais enfin, il a eu de la chance, beaucoup de chance à mon avis, si l'on peut appeler ça ainsi. D'abord, il a partagé sa cellule avec un banquier. Ouais, je me rappelle, Hippolyte Worms. Oui, oui, incontestablement, les deux hommes ont sympathisé. Et lorsque Albertini recouvrera la liberté, Worms ne l'oubliera pas. À combien a-t-il été condamné, là? Albertini a non seulement sauvé sa peau, alors que ses activités auraient dû ou pu le conduire devant un poteau d'exécution, mais il n'a été condamné qu'à 5 ans de travaux forcés. Oui, mais il a bénéficié de protection. C'est certain. Mais surtout, Albertini a fait jouer un talent très particulier. De quoi voulez-vous parler, là? C'était, si l'on peut dire, un archiviste compulsif. Un homme qui faisait des fiches sur tout et tout le monde. Et comme Albertini, avant et après-guerre, a rencontré beaucoup de monde, il est presque certain que son fichier devait être très très riche. Et pouvait légitimement inspirer des craintes à quelques personnages. Et ces personnages-là sont intervenus en sa faveur? Au cours de son procès, oui. Et des témoignages parfois bien surprenants. Oui, c'est-à-dire? Pas de soi-disant adversaires politiques qui se sont brusquement souvenus qu'avant la guerre, Albertini était un vaillant militant socialiste. Quant à son fichier, il est resté bien dissimulé. Je suis sûr que ces personnages influents ont continué à intervenir après sa condamnation. Car dès 1948, Albertini a été remis en liberté. C'est quasiment un homme neuf qui est sorti de la centrale de Poissy. Un homme qui va entamer une deuxième carrière assez époustouflante. Racontez même, si nous avons déjà évoqué le sujet. Sous couvert d'un emploi dans la banque de son ami Worms, Georges Albertini crée l'Institut d'Histoire Sociale, une officine anticommuniste largement financée par le patronat. Et quels sont ses objectifs? Il s'agit de débusquer dans le monde politique et celui des affaires tous les gens qui pourraient avoir des rapports avec le communisme ou la gauche. Et bien sûr, fidèle à ses méthodes, Albertini rédige des fiches et met ses informations à la disposition de tous ceux qui financent ses activités et affichent leur anticommunisme. Et bientôt, ça va au-delà de ce travail de basse police. Albertini devient le conseiller occulte d'éminents personnages de la 4e puis de la 5e République. Et la revue qu'il édite, Est-Ouest, est très lue dans le monde politique. Occulte, vous avez dit, à cause de son passé sulfureux, là. Bien entendu, ouais. Il lui est difficile d'apparaître au grand jour. Mais sachez qu'Albertini, par exemple, aura l'oreille du président Pompidou. Et jusqu'à sa mort, au début des années 80, il demeurera un homme influent, disposant de gros moyens financiers. Ouais, ça peut aider lors des périodes électorales. Hein. Naturellement. Mais il faut aussi ajouter qu'il entretiendra aussi des liens privilégiés avec les services de police, essentiellement la DST. Bon, revenons donc à Charles Hernu. Le jeune dirigeant du club des Jacobins attire très vite la curiosité de l'officine d'Albertini, d'autant que vraisemblablement on a déterré son passé. Ouais, le fait qu'il ait été un fonctionnaire de Vichy. Et son court séjour en prison à la Libération. Donc, Ernul, soupçonné désormais d'être crypto-communiste, devient l'objet d'une surveillance assidue. Détail intéressant. Dans ses fiches, la centrale Albertini lui attribue un nom de code, Pierre-André. André, alors, comme le pseudonyme qui lui a été donné par les services de l'Est selon le document roumain. C'est curieux, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait, oui. Alors, on se contente de surveiller Ernu ou ça va plus loin? Vous voulez dire en faire une sorte de taupe? Ben pourquoi pas, puisqu'on connaît sa compromission avec Vichy. Oui, ça devait être tentant. En tout cas, deux responsables de l'officine, dont Albertini en personne, ont effectivement approché Ernu. Mais dans quel but alors? Sonder ses convictions politiques, le tester à propos de son éventuelle proximité avec les communistes. Et Ernu a accepté cette rencontre? Bien évidemment. C'est un homme d'un naturel chaleureux et même jovial, un bon compagnon de table. Oui, conclusion alors? Je ne sais pas. Votre confrère, Frédéric Charpier, a néanmoins trouvé dans la fiche consacrée au futur ministre de la Défense ce commentaire sibyllin. Je résume. Ernu est un garçon qui ne manque pas de courage et qui paraît assez loyal. Il est entièrement possédé par le mythe de la gauche. Je le reverrai et je suis persuadé que l'on peut agir sur lui. Agir sur lui? L'influencer ou même faire en sorte de lui soutirer des informations sur ses amis politiques. Et cela, ça ressemble bien à la méthode Albertini qui consiste à suborner les gens en se servant de leurs faiblesses. En même temps, dans ses fiches, Albertini note méticuleusement que Charles Ernu, en dépit de son adhésion au Parti radical, a constamment gardé des relations avec d'anciens FTP. Les résistants, généralement communistes. Hein. Oui, ainsi à l'Assemblée, on l'a vu interpeller cordialement Kriegel Valrimont, député communiste de Nancy. Autre fait notable, du point de vue d'Albertini en tout cas, Ernu s'est rendu à Vienne pour assister au Congrès mondial de la paix afin d'y avoir des conversations discrètes avec le représentant du Viet Minh. Conversation dont il a fait un rapport à destination de Pierre Mendès-France. Rien de bien méchant, non? Ça suffit à Albertini pour en conclure que le crypto-communiste Ernu est peut-être un agent d'influence de l'Internationale communiste. Il y voit une confirmation dans le voyage à Moscou qu'effectue en 1956 le jeune député. Mais dans les notes, Albertini, là, il n'est pas question d'espionnage. Certes. Toutefois, Ernu est déjà dans le collimateur des milieux de droite et même d'extrême droite. Et sans déflorer la suite de ce récit, je peux vous affirmer que dès cette lointaine époque, Ernu a un dossier dans certains services de police. Et auquel pensez-vous, là? La DST, forcément. On voit cette époque marquée par la guerre froide, on recense tous les personnages politiques susceptibles d'entretenir des rapports avec le Parti communiste. Surtout quand, et c'est le cas de Charles Ernu, ils n'ont pas eu une attitude sans tache pendant la période de l'occupation. Et vous n'ignorez pas que lorsqu'un nom est introduit dans ce genre de fichier, il n'en sort jamais. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Charles Ernu et la collaboration. Régulièrement, la rumeur surgira et empoisonnera son existence et sa carrière politique. Son biographe, Jean Guinel, rapporte par exemple que Georges Albertini, encore lui, a personnellement informé un rival politique de Ernu au sein du Parti radical que ce dernier avait dénoncé un fourreur juif de Grenoble mort en déportation. Il en résultera la convocation de Ernu devant un jury d'honneur de francs-maçons qui, après avoir examiné toutes les pièces du dossier, ne prononcera aucune sanction contre l'accusé. Jean Guinel ajoute ceci. De notre enquête personnelle, nous avons tiré la conviction que les éléments portant sur la participation de Charles Ernu au ministère vichysois de l'information sont exacts. Il y a joué à Grenoble le rôle qu'un jeune homme de 21 ans pouvait exercer, mineur. Aucun début de preuve n'a jamais été avancé quant au rôle personnel qu'il aurait joué dans la dénonciation d'un commerçant juif. De sources incontestable et à partir d'informations contenues dans une note secrète de l'un des services de sécurité français en date d'avril 1964 que nous avons eu en main, Charles Hernu a effectivement été arrêté et incarcéré à Grenoble durant 2 mois. Et plus loin, Guinel ajoute, un seul de nos interlocuteurs, un prêtre, a pu nous affirmer que Charles Hernu avait évoqué devant lui, en pleurant, cette période de sa vie, lui disant simplement qu'il s'était fourvoyé. La seconde affaire Hernu, si j'ose dire, éclate donc en 1996 avec la publication par l'Express du document roumain. Alors, qui est à l'origine de la divulgation de ce document? Bah, en réalité, c'est 4 ans plus tôt qu'un personnage bien connu de nos services de renseignement a livré le document à 2 policiers de la DST, Raymond Nart et Jackie Debin. Et ce personnage bien connu, là, c'est... Il s'appelle Mihai Caraman, premier conseiller de l'ambassade roumaine à Paris. Il a été expulsé de France en 1969, après avoir été convaincu d'espionnage. Et si je me souviens, il était même à la tête d'un réseau d'agents français très actifs au sein de l'OTAN. Hein. Et la plupart ont été lourdement condamnés. En 1992, Caraman, qui a pourtant été un fidèle serviteur du régime communiste, des époux Ceausescu, a pris du galon. Il est même devenu le véritable patron des services de renseignement du nouveau pouvoir. Bon, c'est pas très étonnant, puisque la sécurité, la police politique de Ceausescu, n'a été ni démantelée, ni épurée. En effet. Donc c'est Caraman, en personne, qui livre le dossier Hernu à la DST. Par conséquent, il faut s'interroger sur les motivations de Caraman. Qui vient faire ce cadeau à des gens qui l'ont expulsé 20 ans plus tôt. Hein. Mais si vous le voulez, je reviendrai sur ce point particulier. En attendant, voyons quel a été le parcours de ce cadeau, comme vous l'avez appelé. Il faut d'abord remarquer que Caraman ne l'a pas donné à n'importe qui à la DST. Raymond Nart est un spécialiste de la pénétration des agents de l'Est en France. Certains de ses collègues prétendent même que chez lui, c'est une obsession. Des jaloux, peut-être. À la DST, c'est lui qui tient à jour ce qu'on appelle le livre rouge. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un document officieux où sont consignés les noms d'hommes politiques dont on pense qu'ils pourraient avoir ou avoir eu des connivences avec les services de l'Est. Mais ils sont seulement suspectés. Bien sûr, sinon ils auraient fait l'objet d'une procédure judiciaire. Pour l'anecdote, je crois pouvoir vous dire que le nom de Jacques Chirac y aurait figuré. Chirac, et pourquoi? Le jeune Chirac aurait eu des faiblesses pour une jolie hôtesse de l'ère soviétique. Ah, et de là à penser que c'était une espionne du KGB? Oui, voilà, bon. Ce livre rouge existerait depuis les années 20 et serait régulièrement remis à jour. Mais j'emploie le conditionnel, car sur ce point, je n'ai aucune certitude. Selon d'autres sources, c'est Jean Rochet, patron de la DST dans les années 60, qui aurait initié cette pratique. Rochet qui professait un anticommunisme radical. Hein. Au cours de la décennie 80, un défecteur soviétique, Ouri Blankov, nom de code Cormeil, a contribué à enrichir le livre rouge. Il a en particulier désigné un certain nombre de taupes qui se trouvaient dans l'entourage des socialistes au pouvoir. Mais il y en avait trop, beaucoup trop, et la crédibilité du personnage a été sérieusement écornée. Il faut aussi observer qu'au mi-temps des années 90, au moment même où éclate l'affaire Hernu, une étrange note circule dans les rédactions. Et qui lit-on, là ? Ben, elle porte sur la pénétration supposée des partis politiques par des espions de l'Est et énumère un certain nombre de noms. Propagée par des milieux d'extrême droite, elle reprend en fait les informations du livre rouge. Et on y a vu la main de Raymond Nart. En tout cas, vous l'avez compris, Caraman, en s'adressant à Nart, ne pouvait pas trouver meilleur interlocuteur. Mais que va devenir là, ce dossier en attendant sa divulgation 4 ans plus tard? En 1992, le préfet qui dirige la DST s'appelle Jacques Fournet. C'est un homme qui connaît bien François Mitterrand, car il était en poste dans la Nièvre. La terre d'élection de Mitterrand. Par conséquent, quand il prend lui-même connaissance du document Caraman, il estime qu'il doit aller en parler au président. D'autant que Charles Hernu était proche de Mitterrand. Hernu qui est mort depuis 2 ans, il faut le rappeler. Hein. Alors, réaction du président? J'y viens. Je précise auparavant que Fournet émet des doutes sur la crédibilité des révélations de l'espion roumain. Alors, la réaction de Mitterrand? Eh bien, il n'a pas paru particulièrement ému. Quoi, ça ne l'a pas étonné ? Je n'ai pas dit ça. Simplement, le président a jugé qu'il était trop tard pour refaire l'histoire. Je trouve ça quand même un peu ambigu. Ah, mais c'était Mitterrand, monsieur Pénaud. En tout cas, il a demandé à Fournet de considérer qu'il s'agissait là d'un secret d'État. Silence, donc. J'ajoute que François Mitterrand, victime autrefois d'une sombre machination qui avait failli le perdre... Ouais, l'affaire des fuites. Oui, et depuis, se méfiait des entreprises tortueuses des services secrets. Alors Fournet est donc reparti avec son dossier ? Et il l'a rangé dans son coffre. Et il y était toujours fin octobre 1993, quand il a quitté la DST. Précision, Fournet s'est quand même senti autorisé à informer deux hommes. Pierre Bérégovoy, le Premier ministre, et Paul Quilès, le ministre de la Défense. Qui n'en ont jamais parlé. 1993, c'est l'année de la deuxième cohabitation. Édouard Balladur est le nouveau Premier ministre, oui. Lui aussi aurait été informé de l'existence du dossier Caraman. Mais il a gardé le silence. Alors, qui va transmettre le document aux journalistes de l'Express ? Il y a plusieurs hypothèses. On pense d'abord à une fuite interne. Un agent de la DST ? Et dans ce cas, c'est Raymond Nart, au premier chef qui pourrait être concerné. Toutefois, l'ancien policier a toujours nié. Faut pas oublier Caraman, lui-même. Caraman qui a livré une bombe à la DST et qui s'impatiente. Oui, parce que son document n'a toujours pas été exploité. Ni rendu public. Il aurait donc pu presser ses contacts à la DST de sortir le dossier. À moins qu'il n'ait lui-même informé les journalistes. Quoi qu'il en soit. On a aussi évoqué des intermédiaires. Un journaliste, d'abord, qui a longtemps été dans la mouvance du mouvement d'extrême droite Occident et a fréquenté la centrale de Georges Albertini. Je crois savoir de qui vous voulez parler. C'est lui qui aurait servi de relais entre la DST et l'Express. Plus étrangement, il a aussi été question du célèbre général Rondeau. Pourquoi Rondeau ? Parce qu'il avait une dent contre Hernu. Je vous explique brièvement. Agent du SDEC, dans les années 70, il était alors en poste à Bucarest, quand il a mystérieusement disparu pendant 3 jours. Naturellement, ses supérieurs ont voulu savoir ce qu'il était devenu. Mais l'affaire n'a jamais vraiment été éclaircie. Ah bon, alors, qu'aurait-il pu se passer ? Au SDEC, certains ont supposé que les services roumains avaient tenté de le faire chanter avec des photos compromettantes. Vrai ou faux ? Ça a en tout cas valu à Rondeau de devoir quitter le SDEC. Mais au début des années 80... Cet excellent connaisseur des pays arabes revient en grâce. On lui confie des missions confidentielles. Cependant, au SDEC, quelques-uns de ses bons amis ressortent son dossier. Charles Hernu, ministre de la Défense, s'émeut et joue les procureurs. Contre Rondeau, donc. Finalement, une enquête blanchira complètement le futur ravisseur de Carlos. Mais Rondeau n'a certainement pas oublié. Ah ouais, alors il aurait pu se venger de Hernu. De façon posthume, ce qui me paraît quand même un peu extravagant. Ouais, il y a pourtant cette coïncidence, hein, la Roumanie. En effet, enfin je peux pas en dire plus. Alors venons-en au fond de l'affaire. C'est-à-dire la crédibilité des accusations contre Hernu. Oui, tout de suite après la parution de l'Express, l'homme qui était censé avoir été le premier agent traitant de Hernu en 1953, le bulgare Nikolov, alias Vinogradov, nie tous les faits contenus dans le dossier Caraman. En 1953, il était bien secrétaire de l'ambassade bulgare à Paris. Et s'il avait rencontré Hernu, c'était dans le cadre de ses activités de diplomate. Et il affirme ne lui avoir jamais demandé d'informations considérées comme secrètes et donc ne pas lui avoir versé d'argent. Réaction de l'Express ? Les journalistes répliquent en publiant un ordre d'expulsion du dit Nikolov sur le territoire états-unien pour des activités d'espionnage en 1962. Ouais, un bon point pour eux. Hein. Effectivement. Enfin, un peu plus tard, c'est l'ancien chef des services roumains et conseiller personnel de Ceausescu, Ion Pacepa, un maître espion passé à l'Ouest en 1978, qui prend la parole. Il n'a jamais entendu parler de l'agent Hernu, alias Dinu. Alors qu'il connaissait l'identité de tous ses agents, y compris ceux recrutés à l'étranger par ses espions. Ah oui, là, ça devient embarrassant. Et ça confirme ce que je pensais depuis le début. Le rapport Caraman était un montage. Donc un tissu de mensonge. Reste maintenant à savoir pourquoi Caraman a tenté d'enfumer la DST et l'opinion française. Et là encore, on peut émettre plusieurs hypothèses. La première me paraît douteuse. Le Roumain aurait transmis ce dossier pour montrer ainsi le changement d'état d'esprit en Roumanie. La seconde est déjà plus sérieuse. Caraman aurait décidé de se venger de ceux qui l'avaient expulsé en 1969. Une vengeance quand même bien tardive. C'est vrai. Autre hypothèse, malgré la chute de l'Empire soviétique, les services secrets seraient restés fidèles à la ligne KGB. et le dossier Caraman aurait résulté d'une opération de désinformation téléguidée par les Russes afin d'empêcher la Roumanie d'entrer dans l'OTAN. Est-ce qu'elle était en train de négocier ? Et il n'est pas inutile de préciser que Charles Hernu a toujours été un atlantiste convaincu. Cette thèse a été confortée par cet ancien patron des services roumains, Ion Pacepa. Pour lui, Caraman, qui avait consacré sa vie professionnelle à la lutte contre l'OTAN, était même certainement un agent du KGB, a essayé de ternir le prestige de l'organisation atlantiste en portant un coup à la mémoire de l'un de ses partisans les plus déterminés lorsqu'il était ministre de la Défense. Ça vous semble crédible ? Oui, parce que cette question de l'appartenance de la Roumanie à l'OTAN faisait débat à Bucarest et provoquait même de sérieux tiraillements. Le chef d'état-major a même déclaré publiquement, en avril 1996, qu'il préférait la reconstitution d'une alliance militaire avec Moscou. Enfin, faut pas exclure une autre vengeance possible. Autre vengeance, mais de quel ordre, là ? Les socialistes français au pouvoir avaient fortement déplu aux dirigeants communistes roumains. Ceux-ci les auraient accusés d'inciter les étudiants roumains à écouter Radio Free Europe, ou encore de leur fournir des livres critiques sur le régime. Quant aux services secrets français, ils auraient tenté de recruter des diplomates roumains. Enfin, n'oublions pas l'affaire de l'écrivain Virgile Tanaz, qui n'a eu pour objectif que de discréditer la Securitate et ses méthodes musclées. Autant de raisons qui auraient pu pousser Caraman, devenu chef tout-puissant des services roumains, à se venger de ses affronts. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Frédéric Charpier. « Les valets de la guerre froide », où l'on trouve une bonne relation de l'affaire Hernu.